Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, on se lance une bonne campagne d'Hearthstone. Et voilà, du coup, j'ai demandé à Bois Cosmos, donc qui va être PJ sur cette campagne, bah évidemment de lire toute la gamme. Hein, je veux dire, moi je professe la transparence, je vois pas pourquoi en tant que MJ j'aurais plus d'informations que le reste du groupe. Et donc par conséquent, ça me paraît tout à fait logique. Même démocratique, voilà, que je demande à mes joueurs ben, de lire toute la gamme, tout comme je l'ai fait, quoi. Pas de raison que j'ai été le seul à souffrir, quoi. Donc, voilà, bon, je l'attends, hein, normalement, on devrait pouvoir commencer à jouer, là, mais je sais pas où il est passé. Quoi? Oh, désolé. Ouais. Ouais, je comprends. C'était un peu une lecture assommante. Bon. Salut, salut. Aujourd'hui, on va continuer donc cette série sur l'infodump. Et on va parler un petit peu de la transmission d'informations à la table. Et notamment sous forme de lecture. Alors, en introduction à cette problématique, j'aimerais te parler un petit peu en détail d'un article de Chloé Machiter qui s'appelle Welcoming Game Design Principle for Facilitators, qui est grosso modo un article qui explique comment expliquer un jeu. Voilà. Alors, c'est intéressant qu'il emploie le terme de facilitateur, puisqu'en fait, en tant que MJ, quelque part, tu joues aussi un rôle de facilitateur, puisque tu te contentes pas d'animer le jeu, mais tu vas aussi le faciliter, en fait. Je te renvoie à la vidéo, justement, faciliter un JDR, un job pas si facile. Mais voilà, de quoi parle cet article-là? C'est quoi les principes de facilitation? En fait, Chloé Machiter s'inspire des principes de la conversation qui ont été établis par un philosophe qui s'appelle Grice. Et en fait, il y a quatre principes qui doivent régir la bonne facilitation d'un jeu. C'est fournir la bonne quantité d'informations, être véridique, faire preuve de clarté et faire preuve de pertinence. Donc fournir la bonne quantité d'informations, ça veut dire votre contribution, elle doit être aussi informative que nécessaire. Il faut apporter toute l'information nécessaire pour que la table ait une approche éclairée de la partie. Alors, quand on dit information, c'est mécanique de jeu, c'est univers, c'est contexte, hein, donc c'est du ludonarratif, quoi, dans le cadre d'un jeu de rôle. Et votre contribution, elle ne doit pas être plus informative que nécessaire. Ça, c'est aussi important, quoi. Donc c'est juste assez d'informations, pas trop d'informations. Donc évitez de vous noyer dans les détails ou d'apporter des infos qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va jouer. Donc le deuxième point, c'est être véridique. Ça veut dire qu'il faut être honnête dans la véridicité des informations qu'on apporte. Et s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, ne pas s'en tirer par une pirouette en disant ceci vous sera expliqué en temps voulu, faut avouer. Bah, en fait, là, je ne sais pas. Moi, typiquement, en jeu de rôle, ça va être cette règle-là, je ne sais plus comment on gère, quoi. Et en fait, il vaut mieux promettre, dire que je vais vérifier les informations, je les apporterai l'information plus tard, plutôt que de dire, de faire des mystères pour rien, quoi. Et ça, c'est pas proposé dans l'article, mais je pense que c'est pas mal aussi d'avoir une certaine transparence sur le fait que on va cacher des informations, dire bon bah voilà, ça c'est un secret. Je vous en dirai pas plus. Voilà, il y a des secrets, il y aura peut-être des twists, et donc être honnête sur le fait qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Faire preuve de clarté. Bon bah c'est voilà, ça c'est grosso modo, ça veut dire voilà, ne pas surexpliquer, dire les choses, présenter les choses posément. Essayer d'avoir le bon vocabulaire, ça veut dire notamment éviter le jargon, des choses comme ça, quoi. Bah, tu vois, par exemple, c'est bête à dire, mais quand tu présentes un jeu propulsé par l'apocalypse, Je pense qu'il faut que tu évites d'employer tout un tas d'anglicismes. Oui, on va faire des moves, et là c'est du tumbling forward, tout ça, machin, parce que en fait, bah tu jargonises entre guillemets pour rien, et donc vaut mieux retraduire tout en français quand tu présentes par exemple un jeu qui a pas mal de termes techniques qui sont en anglais ou toi que tu connais en anglais, est-ce que tu connais les PBTA par la blogosphère et tout. Donc voilà, dans ta table en fait. T'adresses pas à ta table comme si c'était forcément un public expert, quoi, qui n'a pas forcément le même niveau d'expertise que toi, et donc par contre tu évites le jargon. Ensuite, et c'est le plus important dans l'article de Chloé Machiter, c'est faire preuve de pertinence. Ça veut dire pas mal de choses, hein. En grosso modo, la pertinence, c'est la bonne info, quoi. L'info utile, donner les infos utiles. Ça veut dire ne pas redonner une info qui est déjà sue, je pense. Ça veut dire donner la bonne information au bon moment, c'est pas forcément donner toutes les infos d'un coup, mais donner quand elles sont nécessaires et seulement à ce moment-là, pas avant. Je dirais aussi, c'est là on va y revenir plus en détail, mais donner la bonne info à la bonne personne, faut pas forcément donner les mêmes infos à tout le monde. Et globalement, quand tu facilites, tu ne t'adresses pas à un public idéalisé. Évidemment, tu t'adresses à des personnes qui sont réelles, avec leurs failles, avec leurs singularités. Donc, tu dois prendre en compte, voilà, l'unicité, la spécificité des personnes que tu as devant toi. Et notamment, elles vont avoir des intérêts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas les intéresser. Et donc, voilà, si tu as des joueurs qui détestent les mécaniques, je suis pas sûr que ce soit la peine de leur envoyer un énorme infodump sur les mécaniques, qui vont juste pas lire et tout. Tandis que, bon, évidemment, si à l'inverse, je sais pas, tes joueurs adorent le fluff, bah, tu sais que tu peux éventuellement donner plus de quantité, voilà, d'univers à lire, que ça va les intéresser, ils vont assimiler et tout, donc ça vaut le coup, quoi. Et bien sûr, bah, tes joueurs, ils ont des aptitudes spécifiques également. Alors je suis désolé, c'est un peu des expériences spécifiques. Ça renvoie un peu à des notions un peu controversées de capacité de jeu, de compétences de joueuse. Mais bon, voilà. Tout comme je veux pas qu'on fasse de notre loisir quelque chose d'élitiste. C'est pas non plus inclusif d'imaginer voilà que tout le monde en fait est la personne idéale que tout le monde a la même capacité d'absorber des informations. C'est pas vrai. Pour prendre le cas plus spécifique de la lecture, bah, si t'as des joueurs dyslexiques, je te conseille pas du tout de leur amener autant d'infos écrites que à des joueurs non dyslexiques, quoi. Enfin, et c'est pas leur faire insulte, c'est voilà, c'est s'adapter, quoi. Alors on peut avoir aussi le principe entre guillemets du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire que si à ma table j'ai des joueurs dyslexiques, qu'en gros je peux pas dépasser 2 pages de texte à leur faire lire, sinon ça va être compliqué. Eh bien, si on peut, alors, honnêtement, si tu es dyslexique et que tu vois ce contenu, je serais vraiment très très heureux d'avoir ton retour d'expérience. Mais je me pose la question du coup, est-ce que si à ma table j'ai d'autres joueurs non dyslexiques, est-ce que je peux me dire, ah bah, je vais vous donner plus d'infos à lire parce que vous avez plus de facilité avec la lecture, ou est-ce qu'il vaut mieux en fait donner la même info, c'est-à-dire que je donne 2 pages à tout le monde, histoire de pas stigmatiser en fait la personne dyslexique, quoi. Je ne sais pas c'est quoi le mieux, il n'y a peut-être pas de bonne solution. Voilà, petite réflexion ouverte. Donc voilà, c'était ces quatre principes de facilitation. Fournir la bonne quantité d'informations, être véridique, faire preuve de clarté, faire preuve de pertinence. C'est une espèce de boussole qu'on va essayer de garder en tête pour la suite de notre petite conférence. Donc, grosso modo, voilà, on va parler de comment inciter les joueurs à lire des informations. Parce que veut, veut pas, pour des raisons de contexte, d'immersion ou d'enquête, on peut être amené à transmettre beaucoup de lectures en jeu de rôle, quoi. Ça reste, je dirais, un loisir assez littéraire, quoi. Cette lecture, elle peut prendre plusieurs formes, qui sont plus ou moins interactives, plus ou moins papier ou numérique. Ça va être les BG de perso. Alors, les BG de perso, dans le cadre de jeux romanesques, ils peuvent être très très longs, hein. Tu peux avoir, dans un gène romanesque, tu peux avoir un background de 30 pages à lire, hein, ça existe. Tu peux avoir les love letters, ça c'est un petit peu plus interactif, c'est une sorte de petite aventure dont tu es le héros que tu as concocté en fait pour chacun, chacune de tes joueurs. Tu peux avoir des indices à lire en jeu, quoi. Fausses coupures de journaux, fausses lettres, énigmes, tout ça. Soit ces indices sont à lire en jeu, ou de façon un peu plus rare, mais ça existe aussi, en interpartie. Voilà, en interpartie, vous avez un code à casser, tout, vous avez une coupure un journal à lire. Bon, voilà. Ça peut être bien sûr des infos génériques sur l'univers. Voilà, c'est quoi les différentes espèces à Barsave. C'est quoi les rumeurs sur les horreurs qui seraient dans les repères souterrains, ainsi de suite. C'est quoi les différentes contrées à Barsave, voilà, pour prendre le cas de Hearthstone. Qu'est-ce qu'on sait sur la magie, etc., etc. Et ça peut évidemment peut arriver, c'est quelque chose de massif. Ça peut être des romans. Alors bon, je trouve ça extrême, hein, de conseiller des lectures de romans. Mais bon, par exemple, je pense que c'est un peu une blague, mais on entendait souvent dire à skip, entre guillemets, il y a des MJ de Néphilim qui disaient, tu peux pas jouer à Néphilim si tu n'as pas lu Le Pendu de Foucault d'Umberto Eco, quoi. Grosso modo, avant de commencer la campagne, t'as ce devoir de lecture, tu dois te taper d'Umberto Eco. Je suis sûr que c'est pas du tout lourdingue à lire. J'imagine que ça va être extrait d'une lecture extrêmement fluide. Voilà. Alors, ça va rarement jusqu'au conseil de lire tel roman. Après, t'as souvent une liste d'inspi, quoi. Et donc souvent, on va te présenter un jeu qui est comme tel roman, quoi. Bon, bah voilà, si on joue à The Witcher, on va dire c'est comme le jeu vidéo ou c'est comme le roman The Witcher, quoi. Donc est-ce qu'il faut le lire ou pas? Alors, avec un peu de chance, on peut dire. Alors du coup, j'avais pas prévu dans mon script, mais c'est important. En fait, il y a aussi des fois des raisons pour ne pas faire lire, parce que par exemple, si je te maîtrise une campagne de The Witcher, est-ce que c'est une bonne idée de te faire lire le roman The Witcher? Enfin là, c'est un roman, c'est un cycle, hein. Il y a plusieurs romans, parce que tu risques peut-être d'être spoilé, quoi. Donc peut-être qu'il vaut mieux pas que je te le fasse lire, quoi. Hop, ça on a économisé une fastidieuse lecture. Voilà. Et des fois, ça va jusqu'à aussi conseiller de lire le livre de base. Alors, conseil de demander à la table de lire le livre de base, voire des fois la gamme entière, ça peut avoir un intérêt dans le sens de tout le monde sera à égalité, tout le monde aura lu le livre, on aura les mêmes infos. Que ce soit au niveau de l'univers, au niveau des règles et tout. Et comme ça, ce sera voilà, plus équilibré. Alors, en plus, généralement, ça va jamais jusqu'à lire toute la base, parce que évidemment, tu vas déconseiller à ta table de lire les scénarios. Après, bon, bah, cette approche, évidemment, je pense qu'elle perd toute pertinence à partir du moment où la base est trop conséquente. Voilà, c'est mon sketch au début, évidemment, complètement ridicule. Je pense que si tu veux maîtriser des gammes aussi charnues que Hearthstone, bon après, hein, je pense qu'on a connu largement, largement pire, hein, en termes d'épaisseur, comme c'est déjà bien charnu, quoi. Voilà, je pense que là, il y a 2000 pages. Bon bah non, je vais pas conseiller à ma table de lire 2000 pages de jeu, ça n'a aucun intérêt, je pense, hein. Généralement, on va se contenter du livre de base, voire peut-être uniquement de la section qui est réservée aux joueurs. Et donc bah, évidemment, il y a un certain nombre de gammes où il y a justement le livre du joueur, quoi. Et donc voilà, c'est pratique, tu sais exactement ce que tu as à faire lire à ta table. En général, quand tu donnes une base à lire ou même un livre du joueur, il faut pas dire tu dois lire en intégralité, quoi. C'est plutôt lire en diagonale pour que tu aies une vague idée, quoi. Et donc, par exemple, mon MJ de Rétro-Futur m'a fait lire, m'a filé le bouquin de Rétro-Futur. J'ai pas tout lu, quoi. J'ai lu en diagonale, comme ça, j'ai quand même une bonne idée des gros paradigmes, de l'ambiance et tout. Mais j'ai pas lu en intégralité, et évidemment, j'ai pas lu les scénarios. Voilà, autre forme de lecture. Alors là, pour les coups, on est assez interactif. Ce sont les RP interparties, c'est-à-dire que du coup, on va jouer en textuel avec MJ, avec les autres joueurs. Je renvoie ma vidéo sur les interparties. On peut aussi avoir du jeu épistolaire. C'est quasiment la même chose que du RP interparties, sauf que là, c'est les personnages, pas qui interagissent, mais qui s'écrivent des lettres. Et donc là, ça peut être des lettres de PJ à PJ, de PNJ à PJ, à PJ, de PJ à PNJ, enfin, toutes les configurations sont possibles. Bon voilà, je voulais faire un petit panorama des différentes choses qu'on pouvait donner à lire à sa table. Et évidemment, les enjeux d'incitation sont différents selon les formes qu'on a. Parce que déjà, tu as des tailles très différentes, je veux dire, des indices ou une love letter ou un BG de perso, ça peut être des informations assez courtes. Il y a des informations qui peuvent être extrêmement charnues, et donc le rapport, enfin, l'acceptation de ta table est différente en fonction de toute façon de la quantité et bien sûr de la pertinence de ce que tu vas lui faire lire. Alors. J'ai essayé de lister quatre points là sur comment inciter à faire lire et à faire lire des infos, quelles infos faire lire peut-être aussi. Premier point, c'est limiter. Voilà. Bien sûr, je ne veux pas esquiver mon sujet. On est bien sur l'idée que je vais quand même faire lire des choses à ma table. Hein, c'est pas une vidéo pour te dire en fait il faut rien leur faire lire. Voilà. Donc je vais au sujet, mais je pense que quand même. Tu dois te limiter, quoi. L'idée, c'est de ne pas voilà, assommer ta table sous une masse de lecture qui va les dégoûter, hein. Et puis en plus, c'est tu prends le risque principal que ça soit juste pas fait, et du coup, tu vas démarrer ta campagne en pensant qu'il y a un équilibre, une symétrie des informations, et en fait, tu vas te rendre compte très rapidement que pas du tout. Donc, si tu veux que tes joueuses soient justement informés, il faut limiter la quantité d'informations que tu leur demandes d'ingurgiter. Sinon, elles vont juste faire l'impasse. Elles. Donc, limiter, par exemple, et notamment, ça c'est sur l'univers, des fois c'est là où les MJ ont tendance à faire preuve de trop de générosité, à donner trop d'informations d'univers. Non, non, il faut limiter quand tu donnes des informations sur l'univers. Donc c'est juste l'info pertinente, on renvoie au principe qu'on a dit au tout début, la pertinence est le principe phare guide. Et donc par exemple, bah, tous les personnages n'ont pas la même info sur l'univers. Donc ça sert à rien de donner un pavé générique, au contraire tu vas juste donner à chaque personnage l'info dont il a besoin. Par exemple dans mon scénario Build You, eh bien il n'y a que le personnage du mutant, qui a accès aux informations sur la guerre des mutants. Alors là, on va par voilà, dans mon jeu de rôle des Sylvanautes, eh bien c'est pareil, il y a que par exemple, bah, toutes les informations sur les Korax, toute la complexité de ce qu'est un Korax, c'est des informations qui sont ventilées dans le livret du Korax. Et les autres. Sur les autres livrets, l'information concernant les Korax, c'est mis dans un tout petit encart d'infodump minuscule, c'est juste mis les Korax, c'est des changeformes homme-corbeau, point quoi. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus d'infos, mais il n'y a que sur le livret du Korax où ça va être détaillé à fond quoi. Là, en fait, on va chercher ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire, bah, en fait, de toute façon, il faut donner à un personnage, enfin, il faut donner au joueur l'information que le personnage a sur l'univers, quoi. Et donc, on va converger. Alors après, cette convergence, elle n'est pas absolument parfaite, parce que dans les deux exemples que je t'ai cités, bah, en fait, dans le scénario Mildew, en vrai, il est possible que les autres personnages aient eu connaissance de la guerre des mutants. Mais je considère que c'est quelque chose qui va intéresser le personnage du mutant en premier lieu, Donc c'est pour ça que je lui donne à lui en premier lieu. Et bon, bah, les autres, ils sont peut-être censés un tout petit peu savoir ce que c'est, mais ça, on va gérer à l'oral en cours de partie, quoi. Donc c'est une convergence qui est un peu partielle. C'est plutôt une convergence, plutôt qu'une convergence de savoir, c'est plutôt une convergence d'intérêt, quoi. Je vais donner à chaque personnage les informations qui l'intéressent en premier lieu. Ces informations sont peut-être aussi en possession des autres personnages, mais là, je vais pas transmettre aux joueurs, quoi. Également, concernant les informations d'univers, il faut transmettre que ce qu'il y a une forte chance d'apparaître en jeu. J'ai donné deux exemples, un mauvais exemple et un bon exemple. J'ai joué une campagne de Shadowrun où notre MJ nous a balancé plein d'infos génériques sur l'univers. Il y avait plein de trucs très intéressants, par exemple sur les gangs des orques, sur les humains qui faisaient de la chirurgie esthétique pour devenir des elfes, pour devenir des orques. Moi, je trouvais ça très intéressant, mais ça n'a jamais servi à rien dans la campagne. Ça n'a jamais été des thématiques qui sont entrées dans la campagne, quoi. Donc, bah, en fait, si on avait voulu appliquer un principe de parcimonie, il n'y aurait pas fallu que notre MJ nous donne ces infos. Peut-être il aurait mieux valu nous donner d'autres infos, quoi. Inversement, un autre MJ de Shadowrun, je jouais le hacker, et donc il m'a dit, bah, il faut que tu lises le chapitre sur le hacking. C'est 30 pages de lecture, très très barbante, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très barbant, mais ça a servi en jeu. C'était vraiment très très bien que j'ai eu ça à lire, parce que sinon j'aurais été totalement largué durant la partie. En plus, notre MJ a bien fait les choses, puis il m'a aussi donné la fiche de synthèse sur un peu l'arbre logique de quels sont les jets de dés qu'on doit faire quand on fait du hacking et tout. Et donc, j'étais relativement autonome pour gérer mes phases de hacking et je savais de quoi on parlait, quoi. J'avais une visualisation mentale de qu'est-ce que c'est les mondes virtuels quand on hack, c'est quoi une sécurité, une glace, ainsi de suite, quoi. Donc là, voilà, c'était beaucoup de lecture. Mais une lecture absolument pertinente, donc je donne un bon point à notre deuxième MJ. Ensuite, plus globalement sur d'autres informations, hein, c'est pas uniquement les informations sur l'univers, il faut, je pense, si c'est toi qui rédiges, si c'est toi qui rédiges l'information, et peut-être que tu devras le faire, il faut privilégier une rédaction concise. Donc si tu donnes des informations sur l'univers, plutôt que d'aller chercher les infos dans un wiki, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit toi qui les réécrives en simplifiant en fait. Et notamment pour les indices, je dirais qu'il faut viser le haut potentiel ludique. C'est-à-dire que on a tendance à trouver génial de dire ouais, pour leur donner l'indice, j'ai fabriqué ou récupéré tu vois toute une coupure de journal, enfin tu vois des espèces de les faux journaux, ça c'est hyper courant à l'appel de Cthulhu par exemple. Et en fait, il y a un indice qui est caché là-dedans, c'est un peu comme une aiguille dans une botte de foin. Bon, là, je pense que dans le cadre de cette vidéo, t'as compris que c'est pas le paradigme qu'on cherchait. Si tu veux donner un indice, tu donnes que l'indice et rien que l'indice. C'est-à-dire, bah, dans le journal, vous avez vu ce fait divers qui veut attirer votre attention. Point. Et voilà, et on sait que c'est un indice, que c'est pas une info, c'est pas du vent, quoi. Et globalement, je dirais qu'il faut viser le haut potentiel ludique, c'est-à-dire le plus avoir le texte le plus aventurogène pour le moins de mots, quoi. Peut-être aussi ce qui peut être très bien, c'est que tu livres ta propre fiche de synthèse. Donc je t'ai expliqué dans la vidéo comment synthétiser sa lecture d'un jeu, que quand tu démarres en fait la maîtrise d'un jeu, tu vas le lire en intégralité ou en diagonale, ça c'est, tu vois, tu fais comme tu veux, et tu vas créer une fiche de synthèse qui va synthétiser vraiment les grands points à retenir, éventuellement avec un sommaire personnalisé ou pour trouver les infos pertinentes. Ben, ça, si tu t'es enquiquiné à faire cette fiche de synthèse pour toi, ça peut être vraiment très très bien de la livrer aussi à ta table. C'est vraiment un document hyper utile, quoi. Également, pour conclure sur la limitation, une autre raison de pourquoi tu devrais limiter les informations à donner à tes joueurs, c'est qu'il faut bien sûr penser à ne pas gaspiller tes propres ressources. On voit la vidéo sur l'épuisement rôliste, surtout si tu t'es mis en tête de fabriquer les informations plutôt que de les récupérer sur Internet ou dans des PDF. Si c'est toi-même qui fabrique l'information, eh bien, voilà, comment, bah, limite-toi, quoi. À nouveau, peut-être, certains vont me dire, ah ouais, mais avec l'intelligence artificielle, je peux créer des résumés, des informations et tout. Alors bon, à nouveau, je t'ai dit que je faisais pas la promotion de l'intelligence artificielle sur mes contenus, mais de toute façon, c'est pas forcément une bonne idée parce que l'intelligence artificielle est rarement synthétique et donc va t'envoyer des énormes placards de texte qui sont à peu près vides de sens, donc c'est pas forcément de l'information si pertinente que ça, quoi. Bon, bref. Le deuxième point sur comment on va inciter nos joueurs à lire des infos, c'est varier les formes. C'est-à-dire que oui, tu peux envoyer des pavés de texte, mais tu peux peut-être aussi présenter l'information d'une autre façon. Ça peut être des sites interactifs, ça peut être des wikis. Bon bah voilà, si tu veux faire un peu de fondation SCP, vas-y, va sur le wiki SCP et tout, tu demandes à tes joueurs d'aller faire un petit tour, quoi. Et donc tu contrôles moins l'information qu'elles vont collecter, mais c'est plus ludique, interactif de leur côté, et donc il y a plus de chances que ça les intéresse et qu'elles retiennent, quoi. Et puis à la limite, c'est même aussi, d'ailleurs, pourquoi pas mal plus fertile de si je fais une partie de SCP, que si j'ai 5 joueurs qui ont lu 5 informations différentes sur le SCP. Eh ben, du coup, ça va partager les points de vue, ça va échanger les théories à table, ça va être beaucoup plus fertile que si j'ai donné exactement la même information à tout le monde, quoi. Tu peux bien sûr partager des vidéos, tu peux partager des podcasts, des fictions audio, des nouvelles, hein, parce que j'ai on dit des textes, c'est pas forcément de l'infodump, ça peut être des nouvelles. Tu peux partager des quiz. Bon, là, c'est un peu théorique parce que je sais pas s'il y a beaucoup de JDR où il y a des questionnaires, des quiz qui sont proposés sur le JDR, il n'y en a pas pour Milvaux, hein, je précise, quoi. Donc bon, celui-là, ce dernier est un peu hypothétique. Après, tu peux fabriquer toi-même le quiz, hein, mais bon, on revient à la question en avant de ne gaspille pas tes propres ressources. Ah, est-ce que ça vaut le coup que tu passes 3 heures à préparer un quiz sur l'univers pour tes joueurs? Bon, tu fais absolument ce que tu veux de ton temps libre, mais bon, je t'invite à te poser la question quand même. Tu peux aussi, bah ça c'est le coup de, non, je vais rien vous faire lire, quoi, privilégier la guerre de questions. La guerre de questions, c'est le principe que, eh bien, on laisse la table dans une ignorance relative au départ et on va tout simplement attendre que la table pose des questions et réponde aux questions de la table et que aux questions de la table. Cette approche, elle est préférable à le fameux conférence d'infodump de 2 heures avant de commencer la partie, quoi. À la limite, on commence un peu à sec, tu démarres dans l'univers, tu t'expliques très très peu, et bon, bah, tes joueurs vont poser des questions, tu réponds que à leurs questions, et bah, en fait, c'est beaucoup plus engageant comme échange, quoi. Alors bien sûr, on perd ce qu'on a avec la lecture au préalable, de ce qu'on perd entre guillemets l'autonomie des joueurs, parce que les joueurs sont relativement dépendants de l'information que donne MJ. Mais bon, ça c'est des compromis à trouver et tout, hein, bien sûr, quoi. Voilà. Sinon. Toujours si tu as décidé effectivement d'apporter l'information en cours de jeu, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on est toujours cette idée, la bonne information au bon moment. Mettons, bah, par exemple, j'ai ce personnage du mutant la guerre des mutants peut avoir quelque chose à voir avec ce personnage à un moment. Ça peut être intéressant à la limite de ne pas faire lire au départ. Et en cours de partie, tu sens que ça va bientôt être important de parler de la guerre des mutants. Ah, au fait, Ton personnage a participé à la guerre des mutants, s'est juste mis en une ligne sur ton BG. Tiens, voici un paragraphe. Prends 5 minutes là maintenant, tu vas lire dans ta tête ou à haute voix, tu vas lire le paragraphe sur la guerre des mutants. Et bien sûr, ça peut être aussi en cours de jeu, des phases de compte. J'insiste, en cours de jeu, moi je suis pas hyper fan du tunnel d'infodump au tout départ, quoi. Une heure d'infodump à l'oral. En début du jeu, c'est rarement engageant, intéressant, quoi. À moins que tu aies un talent de conte extraordinaire. Voilà. Mais bon, même avec un talent de conte, c'est-à-dire que souvent, en fait, il y a un problème de mindset de ton public. C'est-à-dire qu'on est là pour jouer, on n'est pas là pour écouter un conte. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui. Enfin, moi, si tu veux, tu m'invites à un spectacle de conte, super. Tu vois, genre, je vais écouter une personne pendant 2 heures, il n'y a pas de problème, parce que je suis là pour ça, tu vois, je me suis mis dans cet état d'esprit. Mais quand je viens à une table de jeu, je suis pas dans cet état d'esprit. Dans une table de jeu, je viens, je dis, je vais interagir, on va échanger, tu vois. Et donc, si j'ai MJ qui commence un tunnel pendant 1 heure, eh ben, je vais pas apprécier parce que je me suis pas du tout dans cet état d'esprit de recevoir comme ça une parole verticale. Tout simplement, voilà, je suis pas venu au spectacle et donc je peux pas apprécier quoi. Donc, à la limite, si tu as 1 heure de compte à faire, ben, tu fractionnes. Tu fractionnes un petit bout de 10 minutes que tu vas dispatcher tout au long de ta partie. Et ça peut très très bien le faire, de faire comme ça. Alors bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais on peut cette phase de compte aussi, on peut la limiter en faisant les fameuses descriptions haïku, je t'ai déjà évoqué. On peut aussi que l'infodump soit transmis par des PNJ en fait qui vont raconter. C'est beaucoup plus engageant en fait si un PNJ te donne des informations sur l'univers, c'est beaucoup plus engageant que si c'est MJ qui le fait parce que on retrouve cette posture d'échange, on retrouve cette immersion. Dans le personnage et tout. Voilà, donc toujours sur cette lecture à voix haute, si tu dois lire, si tu dois avoir des phases de compte, et donc c'est toi qui vas lire des informations aux autres, c'est un conseil que je dis souvent, mais je veux le relire, pour avoir une lecture fluide performative, artistique, intéressante, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est quand tu es en train de lire, je vais essayer de te donner un exemple. Je vais essayer de lire 2 paragraphes d'Earthdawn, un le mal le lire, et puis un bien le lire, quoi. Alors, premier exemple, je vais lire un petit poème et je ne l'ai pas prévu en avance. Les trolls attaquent les nains. Les nains n'aiment pas les elfes n'ont aucune patience avec les hommes, et les hommes se battent entre eux, mais tout le monde déteste les terrans. Vieux dicton barsévien. Bon, je sais pas comment t'as ressenti ma lecture, moi je l'ai pas ressenti bien. Je pense que le ton n'y est pas, l'intention n'y est pas, et donc c'est pas très engageant à écouter. L'autre approche, c'est de faire une prélecture rapide dans ta tête, et seulement après tu lis. Alors soit tu lis tout le paragraphe en prélecture, mais presque encore mieux, tu lis une phrase en prélecture dans ta tête, après tu la lis à l'oral. Et tu vas voir, en théorie, c'est plus engageant. Barsev est notre pays, autant que celui de nos ancêtres. De merveilleuses découvertes et des périls sans nombre fourmillent sur toute son étendue, qui va de la mer des enfers au bois de sang, et de la mer d'Arras à la désolation. On ne compte plus les légendes qui parlent de Barsev, et pourtant, la plus grande partie de notre province demeure inexplorée et inexpliquée. Bon, voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que cette deuxième façon de faire, où en fait je lisais d'abord dans ma tête, ensuite je te lisais à l'oral, elle est un peu plus sympathique. C'est un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus haché, mais ça, c'est pas un mal en fait. Il vaut mieux que la lecture soit un peu lente pour qu'on puisse l'intégrer, pour avoir cette prosodie du conte, hein. Donc voilà, petit conseil au passage que je renouvelle parce que j'ai déjà dit pas mal de fois. Pour finir, on va reparler des RP interparties. Bah, en fait, quand il s'agit de faire de l'infodump, c'est peut-être aussi des fois la façon la plus organique de le faire plutôt que de dire, ah tiens, je te file les pavés de texte, et eh bien plutôt avoir des échanges, notamment avec des PNJ, je trouve que c'est toujours plus intégré, quoi. Si tu fais les RP interparties, bon, il y a toute une vidéo sur les interparties, donc je vais essayer d'être très très bref. Mais là, dans ce qui nous intéresse, je vais insister de nouveau sur faire preuve de clarté sur le taux d'engagement requis, quoi. Il faut prévenir à l'avance que l'interpartie, eh ben, prévoyez qu'on aura, on va échanger, je sais pas, 2-3 messages par jour ou 2-3 messages par semaine. Voilà, il faut être clair. Il y a un contrat social d'interpartie à faire qui est important pour que tout le monde parte sur la bonne base et que l'engagement soit équilibré et respecté. Ce RP en ligne, il faut pas qu'il soit gratuit, c'est-à-dire on fait pas du RP en ligne pour faire du remplissage, parce que entre guillemets, ça ferait partie de l'ADN d'un bon jeu de rôle d'avoir du RP interparti. Non, cet RP il doit être calculé pour qu'il ait un impact psychologique ou diégétique sur la suite de la campagne. Donc les personnages sont transformés pendant l'interpartie, quoi. Donc, si tu ne penses pas réussir à transformer les personnages dans l'interpartie, c'est-à-dire pas juste leur filer de l'infodump, mais vraiment les transformer, je donne un exemple. Je vais donner des informations sur la sorcellerie à un personnage. Exemple 1, bah en fait, c'est juste qu'il y a un sorcier qui va lui filer de l'infodump sur la sorcellerie. En fait, le personnage n'est pas tellement transformé à la fin de l'interpartie. Il a juste appris des choses, mais il n'est pas transformé. Exemple 2, le sorcier te fait de l'infodump sur la sorcellerie et il te propose de t'initier la sorcellerie. Si tu refuses, parce qu'il faut quand même que ça reste des choix, eh ben peut-être que le sorcier va te venir ton ennemi, tu vois, te lancer des malédictions, il y aura un petit affrontement avec lui. Dans les deux cas, que tu aies accepté l'initiation, que tu l'aies refusé, il y a eu de l'aventure et ton personnage a été impacté, transformé. Il revient à la partie suivante. Non seulement il a appris des choses sur la sorcellerie, mais aussi il lui est arrivé des choses, quoi. Et à nouveau, je pense que d'un point de vue cognitif, eh bien, c'est toujours, voilà, si par le principe du principe, je sais pas, du choc en retour en sorcellerie, qui est un truc un petit peu technique. Ou le principe que pratiquer la sorcellerie, ça rend accro, qu'il faut chercher du pouvoir, tu vas beaucoup mieux t'en rappeler. Si je te balance l'information comme ça, une semaine après, t'as oublié. Mais si je te balance l'information que je te fais vivre dans ta chair, entre guillemets, et que tu te prends un choc en retour, tu deviens accro à la sorcellerie, tu deviens accro à la recherche de pouvoir, ceci, cela, eh bien, tu l'as évidemment beaucoup mieux retenu, quoi. Voilà, bah, c'était encore assez long, hein. Bah oui, bah c'est la série sur l'infodump. Hein. La semaine prochaine, on devrait clôturer cette fameuse série sur l'infodump pour moi te parler des complétistes. Peut-être que ça va encore être assez long, je sais pas. Voilà, à nouveau, j'espère que c'était intéressant là-dessus. Et ben, on s'envoie des petits OK checking à distance. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.